Go, go, la review d'Ipress JB. Toute l'actu du jeu vidéo chaque matin dans tes oreilles. C'est pas sexy choucroute ça? Y'a pas mieux pour frétiller comme des petites truites. Comme des petites truites. La revue de presse JV. Maison de qualité depuis 2017. Et ouais. Plus stimulant que ton café et meilleur pour la santé. Nous sommes le 14 mai 2019 et bienvenue dans votre revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un jeu NES. Oui, la première Nintendo, la 8 bits, l'antique NES. Un jeu qui s'appelle Micro Mage, Micro Mages, hein, si on met l'accent qui va bien. Alors c'est un jeu, on m'a donné une clé Steam, voilà, vous le savez, j'ai toujours été transparent avec vous. Les quelques fois, c'est arrivé où des studios me donnent des clés Steam pour essayer des jeux. Je vous en parle dans l'émission, en bien ou en mal. C'est déjà arrivé que j'en parle en mal, car vous le savez, je ne vous ferai pas acheter un jeu qui ne m'a pas plu. Voilà, c'est une honnêteté qui parfois peut coûter un peu cher, mais voilà, je préfère être honnête avec vous toujours. Et donc, si parfois les critiques n'ont pas toujours été dithyrambiques, ce matin c'est le cas, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, qu'est-ce que Micro Mage ? Oui, j'attaque tout de suite, hein, sans fioriture, c'est la magie du podcast quotidien, on fait un peu comme on veut. Micro Mage, donc, c'est un jeu NES à Homebrew, hein, mais vraiment un jeu qui a été développé avec les caractéristiques et les limitations de la NES. D'ailleurs, ceux qui se procurent le jeu, que ce soit sur Steam ou itch.io, ont une version ROM, hein, NES. On peut aussi se procurer le jeu carrément en cartouche NES, hein, une cartouche qui fonctionnera sur votre NES si vous l'avez encore. Et ça veut dire donc de développer le jeu avec toutes les contraintes techniques de l'époque, c'est-à-dire là, on n'est pas dans du néo-rétro. Prenez par exemple l'excellentissime Shovel Knight, qui rend hommage à moult jeux de la NES. Bon, il y a des surcouches quand même, à tous les niveaux, des surcouches techniques, qui font que c'est de la NES plus, XXL et Grand Premium, voilà. Là, on est vraiment dans de la NES pure et dure. Alors, qu'est-ce que Micro Mage ? Déjà, au niveau du gameplay, du style de jeu, bah, c'est un jeu qui mixe run and gun et plateforme. C'est un jeu à scrolling vertical, c'est-à-dire que ce seront des niveaux qui devront se parcourir de bas en haut. En tout cas, c'est toujours de bas en haut, là où j'en suis actuellement sur le jeu, je ne l'ai pas encore terminé. Alors il y a un petit côté run and gun, puisque nos petits mages peuvent tirer des sortes de petits rayons, voilà, pour se débarrasser de leurs ennemis, mais ils ramassent via des coffres et autres pas mal de petites options, des options très rigolotes d'ailleurs, par exemple planer après un saut qui peut vous protéger, qui peut vous booster telle ou telle caractéristique. Bref, il y a pas mal de petites choses. Et vraiment, alors le studio s'appelle Morphcat Games, ils sont deux. Je tiens d'ailleurs à saluer Nicolas qui m'a donc fourni cette clé. Donc ils sont deux, ils ont tout fait, donc c'est assez impressionnant. Je vous mettrai le lien du site, hein, officiel du jeu, où on peut trouver une vidéo qui a déjà dépassé le million de vues, c'est assez incroyable. Une vidéo, une sorte de petit making-of de 12-13 minutes, où l'équipe explique comment elle a procédé justement pour optimiser au maximum les limitations de la NES pour créer ce jeu, donc limitations techniques. C'est assez impressionnant, que ce soit au niveau des sprites, du scrolling, des décors, etc. Tout est expliqué et c'est assez bluffant de voir comment ils ont réussi à optimiser ça au maximum. Le lien sera dans la description de l'émission comme d'habitude. Et donc voilà, donc c'est un jeu qui peut se jouer en solo, hein, ou jusqu'à 4 simultanément. Vous avez 8 mondes subdivisés en 26 niveaux. Vous avez un mode normal, un mode hard. Le jeu tient sur 40 kilobits. Et oui, 40 kilobits, c'est assez impressionnant. Comme nous le dit d'ailleurs très justement la vidéo, ça équivaut à titre de comparaison à 2-3 secondes d'un MP3, quoi. C'est assez impressionnant comment ils ont réussi à optimiser. D'ailleurs, le making-of, hein, raconte très bien ça. D'ailleurs, donc c'est un jeu qui n'est pas du tout affilié ou licencié Nintendo, bien sûr. C'est un jeu français, voilà, ça je pense que vous l'aviez compris aussi. Et vraiment, ils ont fait les choses bien. Vous avez même carrément une petite doc que vous pouvez consulter en PDF, etc., qui est vraiment magnifique, comme si c'était un jeu de l'époque. Ils ont fait un boulot assez dingue. À savoir aussi que là va débuter ces jours-ci les envois de jeux en cartouche. Donc il y aura la boîte et le manuel, donc imprimé, intégré dedans. Ils ont vraiment fait ça bien. On voit tellement de projets comme ça. Alors il me semble que ça c'est né sur Kickstarter, hein, si je dis pas de bêtises. Alors l'équipe me corrigera, hein, sur le Twitter de l'émission si je fais une boulette là-dessus. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un projet qui est vraiment assez ambitieux quand même, hein, qui est vraiment est arrivé à son terme et qui est vraiment très réussi. Alors ce petit docu a été pas mal relayé au Japon, en Corée et même aux États-Unis. Je l'ai un peu moins vu en France, donc je pense que c'est un jeu vraiment qui devrait être mis en avant. Alors peut-être que c'est passé sur les gros sites et je ne l'ai pas vu. Vu le travail de veille que je fais pour l'émission, ça m'étonne que ce soit passé en dehors de mes radars. Alors peut-être que je me trompe, hein, vous me direz. J'imagine que sur les sites indés, on en parle beaucoup. Je sais qu'Emo5.com en a parlé. Il me semble que Rome Game en a parlé aussi. Indiegame.fr en a parlé également, je crois. Bref, en tout cas, c'est un jeu vraiment rigolo puisque ça répond vraiment bien. Vraiment, le gameplay est là. Les personnages, les sprites sont mignons comme tout, y compris les ennemis. Le LD est très très bon. Je peux vous dire qu'en ce moment, moi, par rapport à mon boulot, j'ai pas mal upgradé mon niveau de level designer, en plus de ma casquette de game designer et de chef de projet. Donc, en matière de LD, il y a des choses, vous pouvez avoir toute la culture gamer que vous voulez, il y a des choses qui ne s'improvisent pas, et je peux vous dire que là, en ce moment, j'ai vraiment les mains dans le cambouis du level design du projet pour lequel je bosse chez Storyboard Games. Je peux vous dire que ça ne s'improvise pas, et vraiment, le LD de Micromages, c'est vraiment au cordeau, c'est très très bien fait, c'est très amusant, la courbe de progression est nickel, et vraiment, on s'y amuse beaucoup. Le jeu, au niveau du prix, il est à 8,99€ sur Steam. J'ouvre les pages, hein, comme ça en direct différé, devant mes yeux, sur mon ordinateur. Il est à 10,99€ sur itch.io. Et vraiment, c'est un jeu adorable. N'hésitez pas à aller faire un tour, hein, sur le lien, vous verrez les screenshots, les vidéos, etc. J'avais vraiment envie de vous parler de ce jeu-là ce matin, sachant que le mardi, d'habitude, effectivement, on parlait de jeux indés avec indiegame.fr. Depuis quelques semaines, ce n'est plus le cas. C'est assez compliqué puisque cette fin de saison, il y a des choses qui se restructurent. Vous savez que la prochaine saison, je vous ai fait un billet là-dessus sur le Tipeee, hein, en accès libre. Voilà, pour la saison 3, je me gratte la tête. Bref, je ne veux pas reparler de ça ce matin, mais en tout cas, ça me tenait à cœur de reparler d'indé ce matin. Et donc voilà, Micromages, c'est vraiment un jeu qui mérite d'être mis en lumière puisque le projet a été mené à son terme par deux personnes. Il est très bon. Alors, j'ai pas fini le jeu, ça m'étonnerait. Je dois être à peu près à la moitié, je pense. Ça m'étonnerait que dans la deuxième moitié, ça se casse la binette comme ça. Je ne pense pas, en tout cas, c'est pas les retours que j'ai eus. N'hésitez pas à aller voir ça. Je tenais à vous parler de ce jeu-là qui n'est pas assez relayé pour moi sur les gros sites français. Et vous savez, c'est un petit peu aussi l'un des objectifs de la revue de presse JV, c'est de vous parler de sujets et de jeux qui ne sont parfois pas trop relayés ailleurs. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ça. Et Micromages, vraiment bonne surprise. Alors, j'ai hâte de continuer. En ce moment, quand j'ai un petit peu de temps pour jouer, j'ai pas beaucoup de temps en semaine, hein, pour jouer. Là, en ce moment, ça se partage entre The Messenger, qui est vraiment très très bon, chez Devolver, à ma grande surprise. Vraiment, je suis très étonné, je m'attendais pas à ça. Je l'ai eu en gratos via l'offre Twitch Prime, il était offert, je crois, il y a 2 mois de ça, et j'avais pas le temps d'essayer, et vraiment, bonne surprise. Et donc, Micromages, très bonne surprise aussi. Donc, bravo au studio, bravo aux deux gars qui n'en veulent, qui sont derrière. Quant à moi, bah, je vous dis à demain. Bah oui, tout simplement, le 100% Japon. Je devrais attendre demain, mais là, on vient d'apprendre que Nier Automata a dépassé les 4 millions de ventes, donc voilà, ça me fait très très plaisir. Vous savez que c'est l'un des jeux de ma vie, l'un des jeux de mon cœur, de l'amour, de la passion, de l'amour et du cœur derrière. Donc ça, ça me fait très plaisir. Donc demain, 100% Japon. D'ici là, portez-vous bien, hein, panache et robustesse, quelle que soit la journée qui vous attend. Et puis à très très vite. Allez, gros bye bye et gros béco.